Le rêve prit fin brutalement, comme une hallucination d'abord, puis un choc violent sur la tête, un coup de massue qui te sonne, tombe au tapis jusqu'à 10. Dans mes rêves, Madame Roberts ne m'apparaissait jamais autrement que sous la forme d'un petit moineau défait, fragile, tout en retenue, presque farouche. Et voici qu'elle était là, tout soudain, derrière la vitre d'un bistrot sombre. Oui, elle était là, et sans cette vitre, j'aurais pu la toucher des mains. Elle dansait nu-pieds sur une table ronde, étroite, des mouvements voluptueux, et autour d'elle, tous ces mecs imbibés qui gesticulaient, applaudissaient, se gorgeaient de bière et de rire. Mais que se passait-il, bordel? Je restais plombé devant cette scène improbable, n'osant plus faire un geste, la tête envahie de colère, de jalousie, d'incompréhension. Je ne pouvais partir, passer mon chemin, comme si rien n'était. Je ne pouvais non plus rester figé indéfiniment devant ce spectacle, hein? T'aurais fait quoi? Après des gamberges et sans quitter la scène des yeux, j'arrivais à me persuader que je devais entrer là, au milieu des requins et des loups de mer, afin de sauver la fille captive, en récolter la gloire et les honneurs, ou bien des coups dans la gueule, parce que les marins en goguette, si tu viens les déranger, ben ils sont pas tendres. Ils ont la barbe susceptible, les poids lourds. Elle dansait sur une musique flamenco des Gypsy Kings, et autour les mecs faisaient public. Personne ne prêta une grande attention à mon entrée. Derrière son comptoir, le patron faisait mine d'essuyer le zinc sans perdre une miette du spectacle. Pour approcher Madame Roberts, lui adresser la parole, il aurait fallu me frayer un passage en force dans la masse compacte des barbus costauds, m'imposer moi, le sexagénaire en rupture de macadam, le clochard affligé d'une vieille carcasse creuse. C'était mission impossible. J'essayais d'accrocher son regard, mais elle me tournait le dos, et la musique n'en finissait pas de moduler des espagnolades. Quand je contournais le groupe, comme par malice, les pas de danse la faisaient pivoter de l'autre côté. Enfin, la musique se tut. Madame Roberts resta un moment immobile, le visage tourné vers moi, un visage coloré par l'effort, mouillé de sueur. Son regard fixa le mien, et elle ne parut pas étonnée de me voir ici, spectateur inattendu de sa chorégraphie improvisée. Pas du tout étonné, non. Il me sembla au contraire qu'une certaine joie brillait dans ses beaux yeux noirs. D'un bond, elle quitta la table, me sauta au cou et sans le lâcher s'écria « Ah, bonjour, monsieur Campagne, contente de vous voir. » Je vous le jure, c'est comme ça que l'hallucination a disparu, tout bonnement. Un bonjour, monsieur Campagne, et basta, circulez. La séquence est finie. Et le plus étrange restait à venir. Le groupe des loups de mer et des barbus costauds se dispersa dans le calme. Chacun retrouva sa place et son boc de bière. Les conversations reprirent là où elles s'étaient arrêtées. Le patron cessa de briquer le zinc. Madame Roberts m'entraîna vers une table du fond où nous serions, me dit-elle, discrètement isolés par la pénombre. Je me laissai faire, encore mal remis de mes émotions, et nous nous installâmes face à face, comme l'autre jour au bar de la place Saint-Sauveur. Elle commanda un kirkassis, je pris un demi-pression. C'était la rediffusion d'un film, sauf que le personnage féminin avait été remplacé par un autre bien différent. Elle prit la parole tout de suite, une parole qu'elle ne lâcha plus, me demanda qu'est-ce qui m'avait amené ici. Alors je lui expliquai que c'était le hasard, parole, un pur hasard qui m'avait conduit dans la rue, en pleine rêverie, et fait lever la tête au son d'un flamenco endiablé, ouvrir grand les yeux devant ce qui me semblait une sorte d'hallucination, un coup de faiblesse neuronale. Parce que je ne pouvais pas imaginer un seul instant vous voir apparaître en train de danser sur une table, dis-je, presque en m'excusant. Elle éclata de rire. Je la regardais. Ses yeux étaient très beaux, mais ils brillaient d'un éclat que je n'avais jamais vu encore. Elle parlait vite, faisait des jeux de mots ringards, abordait plein de sujets différents, sans lien entre eux, mais de façon lucide, avec cohérence. Elle n'était pas ivre, elle était au-delà de l'ivresse, perchée à une altitude que je ne pouvais atteindre, juste observée en silence, emplie d'une peur indéfinissable, sans doute le pressentiment d'une chute mortelle. L'oiseau tombé du nid. Quand je lui dis que les loups de mer qui faisaient chorus autour d'elle pendant son numéro m'avaient effrayé, que j'avais craint de recevoir quelques nions, elle s'insurgea, prit leur parti avec beaucoup de véhémence, dit que je ne connaissais rien aux mœurs de ces gars-là, des gens un peu bourrus mais pacifiques, et lorsqu'ils se battaient c'était entre eux, pour des raisons mystérieuses, et l'on pouvait voir deux gars se cogner durement un soir, trinquer ensemble dès le lendemain matin, dans une réconciliation tout aussi mystérieuse. « Les gens de mer ne font pas partie de notre monde, » dit-elle en riant. Puis elle commanda un autre kirkassis. « Je vous laisse payer, je n'ai plus d'argent sur moi. » La sono diffusa un air entraînant qui donnait envie de se trémousser, mais elle ne sembla pas l'entendre. Je la vis fouiller dans son sac, toujours le même sac de toile de notre première fois à la bibliothèque municipale. Elle n'avait plus de cigarette, mais une furieuse envie de fumer. Quelques loups de mer étaient partis, pas très loin. On les apercevait de l'autre côté de la rue, derrière une autre vitre, et la bière coulait à flots dans les gorges. Ici, on trouvait des clopes. J'achetai un paquet de Marlboro et, passé une certaine heure, on pouvait fumer. Elle fuma. Bientôt, le visage de Madame Roberts fut enveloppé d'une brume transparente. Elle parlait toujours, elle parlait sans cesse. Je regardais ses lèvres, fines et belles, prononcer des mots inconnus, des mots qui avaient encore la magie de se transformer en poèmes. J'étais émerveillé. Elle me racontait des histoires qui n'avaient pas encore d'existence, mais ça ne saurait tarder, oui. Elle en était sûre maintenant. Elle allait beaucoup mieux. Plus de Dame de Quink, dont je m'étais moqué, précisa-t-elle. Fini la dépression chronique et profonde. Elle allait retourner aux Antilles, là où était née sa fille, revenir avec elle et obliger son salaud de mari, d'ex-mari, à lui verser une pension alimentaire. « Je l'inscrirai au Cordelier, dit-elle. C'est le meilleur lycée de la ville. » Elle avait donc une fille, quelque part, dans une île des Caraïbes. Du coup, mon projet de faire les enfants devenait moins urgent et surtout moins sanguin. Quelle importance que l'enfant soit d'un autre, pourvu qu'il tisse un lien entre nous, pensais-je. Mais elle avait déjà quitté la gamine et déserté les Caraïbes pour revenir à des préoccupations plus terre-à-terre. Le dernier loup de mer, qui était resté accoudé au comptoir, salua tout le monde de la main, le regard tourné vers notre table, et quitta le bistrot. Madame Roberts lui rendit son salut et lança « À plus !» dans le bus. « J'étais venu ici pour me faire payer à manger, » dit-elle, « et je serais sans doute parti avec lui, s'il me l'avait demandé. » « J'ai de gros ennuis d'argent. Il n'y a plus rien dans le frigo. Je ne toucherai pas ma pension avant plusieurs jours. Alors, si tu veux m'inviter, j'aime autant. » Première fois qu'elle me tutoyait. « J'ai commandé une tournée pour fêter ça. Bien sûr que je voulais, et comment ? Rester avec elle, prolonger la soirée, fixer son beau regard qui avait par instant comme des échappées. J'étais partant, à fond les manettes. Et je comprenais, on a tous eu des problèmes de fric un jour ou l'autre. Merde, avec un petit revenu, c'est pas toujours facile de joindre les deux bouts. » C'était un peu tard pour aller au restaurant. Mais il nous restait des barquettes congelées, du pain et quelques bières. « Si le cœur vous en dit, » elle se leva. Le cœur, elle l'ignorait, mais l'estomac n'était pas contre la proposition. Il était environ 23 heures. Nous marchions un peu de travers sur le chemin qui conduisait au bercail. Mais personne n'aurait pu dire si c'était le résultat de l'alcool ou bien celui des petits pavés aussi ronds que nous. Elle parla tout le long de la route sans jamais regarder ailleurs que droit devant elle, comme tendue vers un objectif lointain. J'écoutais ses mots sans toujours les comprendre, et cela n'avait guère d'importance puisqu'il ne se tournait pas vers moi. C'était plutôt des idées générales à coller à des projets vite abandonnés pour d'autres. J'ai vaguement le souvenir d'un voyage au Mali, mais il fallait être en pleine forme à cause de la chaleur. Puis elle revenait aux Antilles. Le projet n'aurait pas lieu tout de suite car elle était fauchée, plus un sou, et là-bas la vie est plus chère qu'en métropole. Elle marchait plus vite que moi, malgré ses petites enjambées. Je me trouvais un peu à la traîne et ce constat me rappela certaines nuits dans le Paname déserté du mois d'août, quand Zizou et moi marchions sans but précis, peut-être à la recherche d'un puits. C'est toujours mon pote qui était à la traîne et lui aussi, il m'écoutait en silence, racontait des histoires improbables, des histoires de rencontres amoureuses dans une île pleine de livres. Sûrement qu'il se marrait en douce, Zizou, sûrement. Nous étions presque arrivés. Mon amoureuse, sans ralentir le pas, me montra une petite maison à un étage. « C'est ici que j'habite. La maison n'a que 4 locataires, 2 au rez-de-chaussée, 2 au premier. En ce moment, je loge au premier. » Maintenant, je sais ce qu'elle voulait dire, mais sur l'instant, je n'ai rien compris à cette précision. « En ce moment, je loge au premier. » « Pourquoi en ce moment ? » « Où perchait-elle les autres jours ? » Un pouvoir surnaturel lui permettait-il de fréquenter les 2 niveaux à sa guise ? « Je ne vous propose pas de monter, dit-elle. Comme vous le savez, il n'y a plus rien de comestible dans le garde-manger. Rien à boire non plus. » Elle avait déjà oublié le tutoiement. J'ai été beaucoup plus affligé de cet abandon que du placard vide. « On ne se tutoie plus ? » demandai-je. « Impossible. Tout à l'heure, j'avais perdu mes lunettes, et sans mes lunettes, je vous vois mal. Mais je viens de les retrouver. » qu'elle me dit en se marrant. « Et voilà. » C'était reparti dans les jeux de mots merdiques. Elle accéléra le pas, nous arrivions à proximité de l'immeuble où elle était déjà venue deux fois, où je campais dans un 30 mètres carrés depuis toujours, me semblait-il. Madame Bron ne daigna pas nous honorer de sa présence. L'ascenseur nous grimpa jusqu'au dernier étage, profitait de cet endroit clos, bien éclairé, pour observer Madame Roberts. Son visage m'apparut dans la clarté du néon, toujours aussi beau et fragile. Quelques rides à peine marquées cernaient ses grands yeux noirs et deux fossettes entouraient sa bouche, une bouche sérieuse, tout en finesse, faite pour chanter la vie. Ou bien se poser sur la mienne. Dans l'appartement, elle s'installa tout de suite sur le canapé, se releva aussitôt, fit le tour de la pièce, me demanda ce que nous allions manger, se rassit, proposa de se mettre en cuisine, derrière les fourneaux. « Je me débrouille pas mal, vous savez. » C'était inutile. Je n'avais que des barquettes à réchauffer au micro-ondes. Quelques minutes au plus, et de la bière à décapsuler. Elle mangea de bon appétit, refusa la bière, me raconta sa journée qui avait commencé tôt le matin, après un petit déjeuner malingre et le constat d'une dèche épaisse. Elle était partie en ville pour quémander un dépannage alimentaire auprès des services sociaux, mais que dalle, on l'avait virée de partout. Ce n'était pas le jour. Quand tu racontes l'histoire, forcément, ça résonne pathos. Mais je jure que dans ses yeux et dans sa voix, tu ne voyais ni plainte ni tristesse, rien que des sonorités joyeuses et peut-être même un peu moqueuses. Ce n'était pas la première fois qu'elle se frottait à la mouise, et d'ailleurs, quelques heures plus tard, elle commandait une galette saucisse au stand d'un ambulant, puis en croquait un bon tiers avant de déclarer au marchand qu'elle était sans un copec. En désespoir de cause, le marchand l'avait laissé partir, parce qu'une galette saucisse entamée d'un tiers, on a peu de chance de lui trouver un client. J'étais en cuisine pour faire du café, elle m'avait suivi, comme par crainte de ne pas être entendue, et elle continuait de me raconter sa journée, et plus elle avançait, plus la journée ressemblait à une fête. Il y avait eu la descente au port par la rue de Gersual, et là-bas, un concert improvisé sur une péniche anglaise, quelques biniouets et une flûte traversière, qui jouèrent de la musique folklorique. Nous sommes revenus au salon, j'ai servi le café, elle en a bu deux ou trois tasses d'affilée. Je lui ai demandé si le café ne l'empêchait pas de dormir. Sans rire, elle m'a répondu qu'elle ne dormait plus depuis 72 heures, car elle était très en forme en ce moment. Alors elle en profitait. Il me semblait difficile de rester 72 heures sans dormir, descendre le Gersual, le remonter, puis danser sur une table un flamenco endiablé tout en avalant des kirkassis. Pourtant, quelque chose dans ses yeux me disait qu'elle ne mentait pas. J'ai voulu que nous reprenions le tutoiement, mais rien à faire. À chaque fois, elle extirpait ses lunettes du sac, les agitait, et quand je lui redemandais son prénom, elle secoua la tête en rigolade, m'expliqua qu'il suffisait d'enlever le S à Roberts pour que le nom se transformât en prénom, et je pourrais parler d'elle en disant « mon ami Robert ». « Eh bien quoi, ça vous gêne d'avoir une amie qui s'appelle Robert ? Vous êtes homophobe ?» Mais elle n'attendit pas de savoir ce que j'en pensais, se resservit un café, me demanda si on pouvait écouter de la musique, j'ai inséré un CD au hasard. C'est un vieux slow des années 60. Elle m'a pris la main et entraîné au centre de la pièce, un tout petit espace coincé entre le canapé, la table et le téléviseur, et nous avons guinché sur ce vieux slow des années 60, un peu collé mais pas trop. Et je crus bien, cet instant, avoir atteint un sommet élevé, mais un sommet qui en cachait d'autres, plus élevé encore. Mon palpitant battait le tambour, le sien est à l'unisson que je me disais. Mais les autres sommets disparurent. Puis ce fut la descente en rappel. Madame Roberts, ses mains toujours sur mes épaules, se lançait dans un long discours à propos des nombreux avantages d'un réfrigérateur qu'elle venait de commander sur Internet, un truc moderne, plein de chrome, qui fabriquait des glaçons pour 20 personnes. Avec prudence, mes mains toujours sur ses hanches, je lui demandais s'il arriverait à le payer, son frigo américain, en cette période de dèche. Aucun souci, l'engin était déjà payé, du moins la première traite, et c'est sûrement ce qui avait provoqué une brèche dans son compte courant. Elle conclut en même temps le slow des années 60 et son exposé sur les qualités du frigo en déclarant, pleine de malice, que maintenant, en cas de disette, elle pourrait toujours manger la banquise. Il se faisait tard. Je luttais contre le sommeil malgré les cafés noirs ingurgités, mais pas elle, non. La conversation, à sens unique, roulait maintenant sur la fabrication artisanale en plastiroc de petits animaux qu'elle projetait de commencer bientôt, dès qu'elle pourrait investir quelques euros dans le matériel. Il y aurait toujours une faune sauvage, exotique, des bestioles qui font rêver les gosses, craquer les mamans et débourser les papas. Oui, elle le sentait bien, le projet. Pour aller dans son sens, mais surtout pour déconner, je lui dis que pendant les jours de très grosse disette, en plus de la banquise, elle pourrait toujours se faire cuire un ours ou un pélican. Je ne suis pas sûr qu'elle entendit, car après avoir développé dans ses moindres détails la fabrication des petites bêtes en plastiroc, elle enchaîna un monologue à voix basse. Il n'y avait plus de doute cette fois. Ce n'est pas à moi qu'elle parlait, non. Elle s'adressait à une entité invisible, planquée derrière un œdème de Quink et des nuits d'insomnie, comme une sorte de terre inconnue dans laquelle je n'existais pas. J'avais été bien imprudent de m'aventurer dans cette histoire d'amour impossible, de m'extasier devant un petit moineau d'effet gentil et mignon, mais complètement givré, oui, bien imprudent. Et je savais comme une évidence qu'il me faudrait aussi sombrer dans cette folie qui n'avait pas encore de nom, pas encore. Une folie sournoise, tapie dans l'ombre, prête à bondir. Ah, si aujourd'hui j'arrive à mettre quelques mots sur la façon dont j'ai vécu l'instant, il est bien évident que la situation, à ce moment précis, était beaucoup moins claire. J'évoluais à tâtons parmi des pensées floues et contradictoires. Mais pas question d'abandonner l'aventure. Cette merveilleuse aventure débutait un jour, pas si lointain, à la bibliothèque municipale, et sans doute bien avant. Peut-être au cours d'une nuit glaciale passée sous un carton, près de la gare d'Austerlitz. Il était tard déjà. Elle n'envisageait pas de partir cette nuit, alors je lui proposais de dormir ici, dans ma chambre, moi j'occuperais le canapé. Elle accepta de dormir ici, préféra le canapé à la chambre parce qu'elle y serait plus près de la porte. Elle voulut m'aider à mettre les draps et la tête d'oreiller, puis me demanda une bouteille d'eau, car elle avait toujours soif la nuit. Je pus enfin m'allonger sous la couette et plonger rapidement dans un sommeil profond, trop fatigué pour savourer l'événement inattendu. Madame Roberts, endormie, nue peut-être, de l'autre côté d'une cloison, endormie ou bien toujours empêtrée dans un monologue futuriste.